Je me présente, je m'appelle Jean-Guy. Je voudrais bien beurrer mes tartines. Mais j'ai des tout petits bras. Depuis la naissance, je suis comme ça. Vous en faites pas, je suis gâtée à un autre endroit. Je suis boulanger et je pétris mon pain. Mon secret, c'est un peu de sarrasin, de sarrasin. Car j'ai des origines bretonnes. Mon vrai nom, c'est Gourmand et l'homme. Avouez que Jean-Guil, ça claque bien plus et ça détonne. Et en fait, la Jean-Guil, pour manger avec moi, les meilleures tartines de toute la France d'en bas. Elles sont belles, elles sont fines, mes petites tartines. Elles sont fraîches, elles sont bonnes comme mes roubignoles. Malgré l'âge que j'ai, je suis toujours plutôt frais. On dit que je croustille comme mes belles tartines. Je disais donc, je suis plutôt bien gaulée. Mes petits bras, c'est juste pour faire pitié, faire pitié. Ma baguette est bien croustillante. Elle est même plutôt imposante. Quant à mon beurre, il est fait de mes successeurs. Et en fait, la Jean-Guil, pour manger avec moi, les meilleures tartines de toute la France d'en bas. Elles sont belles, elles sont fines, mes petites tartines. Elles sont fraîches, elles sont bonnes comme mes roubignoles. Malgré l'âge que j'ai, je suis toujours plutôt frais. On dit que je croustille comme mes belles tartines. Si vous n'aviez pas compris, ma baguette c'est ma bite. Si vous n'aviez pas compris, ma baguette c'est ma bite. Ma baguette c'est ma bite. Ma baguette c'est ma bite. Si vous n'aviez pas compris,